check, la check, le mic, ma jack, la chassidie, faut MDC, le MDC, je m'attraque, même les yeux blessés. Certains vont devoir encaisser, faire semblant d'apprécier. Sous la pression de mes compères, ma peur bien se faire agresser, je le sais. Sur le mouvement, ma toile, j'ai tissé, tissé. Le drapeau bientôt jusqu'au sommet, fixé, fixé. Se verront concrétiser, initiés, j'envierai afin que le faux disparaisse. Sans cesse, ce que je dis, sans cesse, ce que je fais, comme personne ne l'a jamais fait. Le mic, je le fais swinguer. Hey, je veux t'ambiancer comme par le cancer. T'éteins pas ta taspée, ton fils te crier. Ce négro est trop stylé. Dis-moi qui il est, où est-ce que je peux trouver sur la vexée. Rémunérée pour te stresser. Adresser à la concurrence que je m'en vais dresser. Oppressé, que sache que même sous l'effet de la sensei, affronter Kerry au MIC, il faut renoncer. Joue sur mon tableau, idiot, ça va cadencer. Pour m'avoir tenté de c'est le niveau, je vais te licencier. Tu es rappé, je m'aurais forcé à divorcer. Embarrassé tout de même pour t'avoir autant distancé. Rime avec Guinness balancée, selon les règles énoncées. Ça t'apprendra à vouloir tester ton sensei. Je ricane, histoire d'espacer. Apporte le nouveau swing qui fait du tien, style dépassé. Au coup de mon absence momentanée, on bénéficie. On peut se relaxer, mais maintenant préparez vos fessiers pour la fessée. Kerry James, c'est ce différencier. Kerry James, c'est en vain de concurrencer. Kerry James, reconnaissez le renoir foncé. De l'esclave le fils, la voix du ghetto français. Cette année, plus d'un MC, je m'en vais terrasser. Certains vont terminer avec une jambe ou un bras cassé. Sur la chaussée, sur ce messieurs, je vais vous laisser. Sachez que la rémanger n'aurait pu ne jamais cesser. C'est qui les récits meurtriers. Je passe la place qui est la meurtrier. Chacune.